Cours numéro 8. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa ala al-zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-imam ابن حبان البستي رحمه الله تعالى ذكر الحث على لزوم التواضع ومجانبة الكبر. Dans ce septième chapitre, il a cité رحمه الله تعالى ما يتعلق بالتواضع أي la modestie ومجانبة الكبر et s'écarter de l'orgueil. فهذا الخلق خلق عظيم. C'est un comportement très très important. فالواجب على الجميع c'est de faire des efforts في هذا الباب. قال رحمه الله أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا موسى ابن إسماعيل التبوذكي هكذا التبوذكي قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزة ولا تواضع أحد لله إلا رفعه الله الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله donc c'est un hadith authentique. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال. وهذا تقدم معنا إليا quelques jours أن الصدقة ce n'est pas une cause d'appauvrissement أبدا. من أنفق أنفق الله عليه. Celui qui donne, فالله سبحانه وتعالى il lui ajoutera. On a détaillé هذا ولله الحمد dans la conférence de la semaine dernière sur le risque. فالذي يريد من فضل الله سبحانه وتعالى il doit dépenser une partie de ce que Allah سبحانه وتعالى il lui a donné. فهذا المال سمال الله عز وجل. C'est Allah سبحانه وتعالى qui t'a donné. Ne pense pas qu'en donnant tu n'auras plus. أبدا. بل le fait de donner c'est une cause pour qu'Allah سبحانه وتعالى il te rajoute. وفضائل الصدقة معروفة معلومة. قال ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. كذلك العفو أي pardonner à ses frères. C'est une cause pour qu'Allah سبحانه وتعالى il t'élève. Ne pense pas qu'en pardonnant à ton frère, qu'en pardonnant à tes proches, ça va être une cause d'humiliation ou de rabaissement. أبدا. Si tu pardonnes, c'est une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te pardonne. Irhamu man fil ard, irhamkum man fis sama. Kadhalik, c'est une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'élève. Fa la zada wa la zada Allah 'abdan bi'afwin illa 'izza. Fa celui qui veut al-'izza, être élevé ici-bas et dans l'au-delà. Fa si son frère il a fauté ma'a fa'fu. Quand ce frère, ce proche, il reconnaît sa faute. Quand ce frère, il demande pardon. C'est de lui pardonner. Lillahi azza wa jal. Qala wa la tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Et c'est ça le shahid min hadha al-hadith. Celui qui a ce comportement. At-tawadha'a. Ta'ammalu huna hadha al-qayd lillah. Pas pour qu'on dise annahu il est modeste, pas pour qu'on dise annahu il est kada ou kada, la tawadu' lillah, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Illa rafa'ahu Allah. Allah subhanahu wa ta'ala il l'élèvera. As-suqabissi lillah, être modeste pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une cause d'élévation fi ad-dunya ou l'akhirah. والله سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن بهذا التواضع. الله سبحانه وتعالى nous a ordonné في القرآن الكريم. قال عز وجل واخفض جناحك للمؤمنين. واخفض جناحك للمؤمنين. Être modeste avec ses frères, ne pas prendre ses frères de haut, ne pas les rabaisser bi ghayri haqq. Ne pas croire anna l'insan, celui qui connaît, les autres ils ne connaissent pas. Annahu il a compris, les autres ils ne comprennent pas. Là, ça c'est pas min at-tawadhu. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi wasf al-mu'minin adhillatin 'ala al-mu'minin 'izzatin 'ala al-kafirin. La modestie avec ses frères croyants. Tu dois aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Enfin, si tu aimes vraiment pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, voilà, ça va pousser à la modestie. Tu es content si ton frère réussit. Tu es content si ton frère il avance. Tu es content si ton frère il apprend. Et abadan, sa réussite, ça te pousse au hasad, à la jalousie, au kibr. Vouloir le rabaisser. Là, celui qui élève, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Falihada, parmi les choses qui facilitent at-tawadu', wa sayati inshallah ta'ala ma'ana, c'est le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha, li'anna Allah azza wa jalla, c'est lui qui élève. Il donne le mulk à qui il veut, il donne le ilm à qui il veut, il donne le bon comportement à qui il veut, il donne la beauté à qui il veut. Azza wa jalla. Fal mu'min, s'il a cette croyance, cette conviction, ça va le pousser au tawadu'. Même si tu as des choses, même si Allah subhanahu wa ta'ala t'a élevé par certaines choses, il t'a donné de ses bienfaits, c'est min Allah. Amma nahna on est des ibad, du'afa, fuqara. Nahna on possède rien, le peu qu'on a, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a donné. Et ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Falimad al-kibr. Pourquoi l'orgueil? Pourquoi vouloir rabaisser les autres? Pourquoi se sentir supérieur aux autres? Wasu'ila al-Hassan, hada c'est un ajout, vous l'avez pas dans le livre. Su'ila al-Hassan al-Basri rahmatullah alayhi, ma at-tawadhu'? Ils lui ont posé cette question, c'est quoi at-tawadhu'? Et une définition du tawadhu', de la modestie. Qala rahimahullah, at-tawadhu' huwa annaka la tara musliman illa wa tadhun annahu khayrun mink. Limadha? Li'anna ce mu'min, il se remet en question. Ce mu'min yattahim nafsa. Il ne pense pas qu'il n'y a que lui qui comprend, il n'y a que lui qui sait, il n'y a que lui qui a réussi, il n'y a que lui, il n'y a que lui. Abadan. At-tawadhu', la modestie, c'est que tu penses et tu crois que tes frères musulmans, ils sont meilleurs que toi. Ah, bien sûr, ça va te pousser à la modestie. Amma, celui qui se croit meilleur que les autres, celui qui se croit supérieur aux autres, celui qui croit qu'il n'y a que les autres qui se trompent, il n'y a que les autres qui sont mauvais, il n'y a que les autres qui parlent sur les gens, il n'y a que les autres qui kada wa kada. Voilà, chagana hada, orubama, al-ghurur, ou al-ujb. Ils vont rentrer dans son cœur et ça va être un obstacle entre lui et la modestie. Belle, ça le poussera au kibr, à l'orgueil. Iyadan billah. Qala Abu Hatim rahimahullah, al-wajibu ala al-aqil, luzum al-tawadu'i wa mujanabatu al-kibr. Al-wajib ala al-aqil, le doué de raison. Al-muwaffaq, celui qui veut la guider, celui qui veut le bien ici-bas et dans l'au-delà, doit faire des efforts pour acquérir hada at-tawadhu'. Et il doit s'écarter de ce qui contredit hada at-tawadhu', cette modestie, et l'orgueil. Qal wa law lam yakun fi at-tawadhu' khaslatun tuhmad illa an al-mar' kullama kathura tawadhu'uhu izdada bidhalika rif'atan lakana al-wajib alayhi an la yatazayya bighayrihi. Si parmi les bienfaits de la modestie et les mérites, il y aurait que cette fadila, que ce mérite, et celui qui est modeste, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'élève, ça suffirait pour qu'on fasse des efforts d'aïman, tous les jours, pour acquérir hada tawadhu', pour s'écarter de ce qui contredit, tout ce qui contredit cette modestie, et l'orgueil. Qala wa tawadhu' tawadhu'an, ahaduhuma mahmoud wal akhar madhmoum. Et là, c'était deux catégories de tawadu', deux catégories de modestie. Tawadu' al-mahmoud, un tawadu', une modestie qu'on doit faire des efforts pour l'avoir, qui est recommandée, qui est mahmouda, qui est tayyiba. Et l'inverse, un tawadu' madhmoum, qu'on doit éviter. Donc, min at-tawadu' ma huwa mahmoud wa madhmoum. Un bon tawadu' et un mauvais. Qala fa at-tawadu' al-mahmoud huwa at-tark at-tata'ul 'ala 'ibadillah والازدراء بهم. هذا تقدم المحمود. دونك لا موديستي qu'on doit tout faire pour acquérir, pour mettre en application. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne hada at-tawadhu, tark at-tata'ul 'ala 'ibadillah. Ne pas rabaisser les autres. Ne pas se croire supérieur aux autres. Ne pas croire que c'est la faute d'aïman tout le temps des autres. Qala wal izdira' bihim. Le fait de les rabaisser. Ihdhar. Ihdhar. On ne sait pas, indallah azza wa jal, c'est qui est plus élevé que l'autre. On ne sait pas kadalik, comment on mourra. On ne sait pas kadalik, est-ce que un tel il est meilleur que un tel. Hada ilmuhu indallah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que ihdhar min al izdira, rabaisser les autres, haqqar les autres, toujours se remettre en question. التواضع هو أنك لا ترى مسلما إلا وتظن أنه خير منك. دائما remettons en question. C'est le shaitan qui te wasswas. Vouloir rabaisser un tel, vouloir critiquer un tel, avoir une mauvaise opinion de ton frère. تأمل هذا. Peut-être que ce musulman que tu vois dans cette situation, moins d'argent que toi, il n'a pas la même situation que toi. Rubama, tu penses que il a fait telle et telle chose. N'oublie pas que Rubama. Allah subhanahu wa ta'ala il l'aime. N'oublie pas que tant que c'est un muslim, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a guidé. Et chaque chose a sa place. S'il a besoin d'être conseillé, on le conseille. S'il fait des innovations, on le conseille. S'il n'écoute pas, on aura un mawqif. Lakin, ne pas brûler les étapes. Amma, pas de nasiha. Aslan, l'insan, il ne veut pas du bien pour son frère mu'min, c'est très très grave. Bel, le mu'min, il espère la guider pour les kafars. Al-Mu'min, il espérait que tel et tel juif chrétien soit guidé. Lakin al-Amr il est biyadillah subhanahu wa ta'ala. Faliyada, nahnu, on doit avoir un husnu dhanbi. Ikhwanina al-Mu'minin. On doit montrer le haq. Et on ne doit pas se croire supérieur aux autres. Si tu as été guidé, c'est Allah qui t'a guidé. Et tu n'es pas à l'abri de l'égarement. Comme un tel et un tel, min al-munharifin. Si tu as de l'argent, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné. Ne te crois pas supérieur à tel pauvre. L'an Allah subhanahu wa ta'ala, il est à la kulli shay'in qadir. Il peut donner à ce pauvre, l'élever, tout te prendre. Ou hakada, si tu es en bonne santé, la tardar. Tu rabaisses celui qui a telle maladie. Oh. Tu ne sais pas, aujourd'hui tu es en bonne santé, demain tu peux tomber malade. Et ce musulman qui est malade, Allah subhanahu wa ta'ala, il le guérit et il l'élève. Qala, wa tawadu' al-madhmum, la mauvaise modestie, huwa tawadu' al-mar. لذي الدنيا رغبة في دنيا. C'est pour ça que هذا التواضع et tous ces comportements qu'on étudie ensemble والله الحمد dans ce livre, c'est des adorations. Vous avez remarqué que dans beaucoup de adilla, les comportements, il y a de ces comportements, il y a une condition. ولا تواضع أحد لله. فلهذا celui qui fait apparaître de la modestie que pour un salaire de cette dunya, de l'argent, ou pour المدح, pour qu'on dise de lui, mashallah, il a un bon comportement, etc. Ça fait du mal. Tawadu' c'est lillah. Si on a des manquements, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, on fait des efforts. Mais vouloir donner une image de nous que l'insan, il n'a pas, là, il me barre, c'est du din. Qu'est-ce que tu vas gagner si un tel il dit de toi, tu es modeste? Qu'est-ce que tu vas gagner? Si tu n'es pas réellement modeste, l'yanna sayati ma'ana. Tawadu' al-haqiqi. Wa'adannas, il faut apparaître la modestie, ou هذا كثيرا في اهل البدع الصوفيه وجماعه التبليغ الى اخره بل ما من منحرف. Tu les trouves انهم font apparaître de la modestie. Peut-être que tu lui cites un délil très très simple dans un fondement du din, dans le tawhid, il le rejette. Aina التواضع. Et avec les autres, il veut faire apparaître qu'il est modeste. هذا لا ينفع. هذا لا ينفع. التواضع c'est لله عز وجل, c'est مع الله سبحانه وتعالى, c'est مع الحق. Se soumettre à la vérité. S'écarter du kibr, de l'orgueil. هذا هو التواضع الحقيقي. أما مجرد essayer d'embellir son comportement, de faire montrer aux autres cette modestie que pour الدنيا. هذا سمينا التواضع المذموم. Et c'est un mauvais comportement. Tout ça, ولله الحمد نستفيد منه une فائدة عظيمة. أن les bons comportements c'est لله. Tu veux avoir un bon comportement, tu dois t'améliorer لله عز وجل. Mais pour les autres, c'est un mauvais comportement. Même si c'est sous l'étiquette de tawadhu, ou de douceur, ou de modestie, ou de gentillesse. هذا لا ينفع عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فالعاقل يلزم مفارقة التواضع المذموم على الأحوال كلها، ولا يفارق التواضع المحمود على الجهات كلها. العاقل fait des efforts pour s'écarter de cette mauvaise modestie qui est que pour les autres, et il fait des efforts bien sûr pour être modeste لله عز وجل. On peut ajouter un kalam jamil هنا de l'imam Yahya ibn Kathir rahmatullah alayh. Ibn Abi Dunya, il l'a cité dans son livre At-Tawadhu, et c'est une référence. Il a écrit un livre, Ibn Abi Dunya, dans, ou concernant plutôt At-Tawadhu, la modestie. Et il a cité هذا الكلام de cet imam min a'immati as-sunnah rahimahullah, qala ayyahya ibn Kathir, ra'su At-Tawadhu thalath. Ra'su At-Tawadhu thalath. Et les fondements du Tawadhu, c'est trois choses. An tarda bid-dun بدون نعم من شرف المجلس، وأن تبدأ من لقيته بالسلام، وأن تكره المديح والسمع والرياء بالبر. التواضع ثلاث. C'est comme des exemples concernant la modestie. مثلا le modeste يرضى بدون من شرف المجلس. Une assise et il y a une place convoitée. Or, Obama, il n'arrive pas à avoir cette place. Fayyarud abidoun. Qu'il soit assis au-dessus, en bas, à droite, à gauche. Alhamdulillah, la yuvali. Amma al-ba'd, ils veulent toujours la meilleure place. Ils veulent se montrer. Ils pensent que telle place, elle est réservée à telle catégorie de gens. Et s'ils n'ont pas cette place, c'est un rabaissement. Tout ça, ça pousse à l'orgueil. Alhamdulillah, que ce soit un majlis al-ilm, une assise de science, ou une assise avec tes proches, ou une assise avec tes amis, ou une assise dans une walima, une aqiqa. Alhamdulillah. Où que tu sois assis, l'essentiel c'est que tu assistes l'Illah pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, wa an tabda man laqitahu bis salam. Ça c'est min at-tawadhu. Wa ba'dhum mathalan, si il rencontre un enfant, il ne lui passe pas salam le premier. Pour eux, c'est un rabaissement. Il faut que c'est l'enfant qui commence. Même si as-sunnah bien sûr dans plusieurs hadiths, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré anna telle personne, elle doit commencer le salam, le petit à al-kabir, celui qui est tout seul sur le groupe, etc. Si cet enfant il ne passe pas le salam, tu lui passes le salam. Il y a un hadith Anas, radiyallahu an, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il passait devant eux, quand ils étaient enfants, il leur passait le salam. Tatbiq sunnah, tu appliques la sunnah, tu es récompensé. C'est une da'wa azima pour ses enfants. Et kadalik pour les ignorants min al-awam. Si al-alim ou talib al-ilm ou sunni leur passe le salam, c'est une da'wa azima. Wallahi, ahyanan, c'est plus profitable que des doros et des livres pour ha'oula. Léana ha'oula, ils se basent sur l'apparence, sur le comportement. Ils n'ont pas les capacités au départ de comprendre la science. Al-muhim, c'est de leur faire da'wa avec le comportement. Tu passes le salam avec le sourire. Cet enfant, c'est ta'athar. L'imad al-anna, il va voir que sahib al-ilm ou al-din, il va voir que cet homme qui applique al-sunnah, qui fait des efforts fil ilm, il lui a donné de l'importance. Il lui a passé le salam. Ça va le toucher. Rubama, ça peut être la cause de Nahu. Il veut devenir comme cet homme et il fera des efforts. Rubama, yastaqim. Il suit sunnah. Et il verra que les autres, ils ne lui donnent aucune importance. La kalam ou la salam, bel ba'dhum, dès qu'il voit des enfants directement الزجر directement les critiques, les accusations, il les repousse. فأن تبدأ من لقيته بالسلام. Même si c'est un ignorant, même s'il est plus petit que toi, même s'il est plus pauvre que toi. وبعضهم عيادا بالله, ils ont du kibr أنهم, ils passent le salam qu'à des gens comme eux au plus élevé. Tu le vois هذا مثلا quand il au travail, ça arrive souvent quand il rencontre le responsable. وبعضهم ils lui passent le salam et ils sont à deux doigts de se courber. نعوذ بالله من الضلال. Et quand ils rencontrent Matalan dans leur entreprise, dans leur travail, Wahed qui est beaucoup plus bas qu'eux, Matalan, il nettoie, etc., ils ne le regardent même pas. Fana'oudou billah. Si c'est un musulman, il a un haq azim. Et parmi les huquq du musulman, c'est que tu lui passes le salam. Passer le salam, c'est pas obligatoire. Lakin, hada, c'est min bab al-fadl wa l'istihbab. Lakin, on peut citer un exemple fil wujoub. أن répondre au salam, c'est obligatoire. Et tu trouves, بعضهم, ils ont du kibr, ils répondent pas au salam. Ils répondent que si c'est quelqu'un commun au plus élevé qu'eux. Aïe, pour eux. Et quand c'est un miskin qui leur passe le salam, ils ne répondent pas. فَمِنَ التَّوَاضُعْ أَن تَبْدَ مَنْ لَقِيْتَهُ بِالسَّلَامِ كَذَلِكَ. Le troisième point qu'il a cité, rahimahullah, « وَأَن تَكْرَهَ الْمَدِحَ وَالسُّمْعَ وَالرِّيَا بِالْبِرْ. كَذَلِكَ, tu n'acceptes pas, ça ne te réjouit pas que quelqu'un te complimente, se montrer devant les autres, vouloir qu'on dise un tel, il a fait un tel. المتواضع يكره هذا. Pourquoi il n'apprécie pas هذا? لأنه il est convaincu et il sait que Allah أعلم, est-ce que Allah il a accepté. Et là, les gens ils peuvent accepter de toi une chose, ou plutôt reconnaître une chose. Naka, tu as fait, masha'Allah. Mais on ne sait pas est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a accepté de nous. Et vu que notre objectif en tant que musulman, ça doit être la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, fait pourquoi se réjouir si les autres ils te complimentent? Et là, ça arrive. Ils vont complimenter tel homme pieux, tel savant. Ça arrive, mais que ça ne devienne pas notre but et qu'on ne recherche pas. قال رحمه الله وروي كتاب فلقد حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن بكير ابن عبد الله عن عبيد الله بن عدي أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال إن الرجل إذا تواضع لله رفع الله حكمته حكمته أي قدره منزلته ceux qui n'ont pas les حركات فكل qu'il les ajoute. لأن البعض ربما يليرون رفع الله حكمته. لا. الحكمة c'est un autre mot. C'est pas, ça n'a pas le même sens que الحكمة, même si les lettres c'est les mêmes. Celui qui se rabaisse لله, qui est modeste pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'écarte de l'orgueil, Allah subhanahu wa ta'ala يرفع منزلته. كم من الناس رفع الله subhanahu wa ta'ala من قدرهم وشأنهم ومنزلتهم, que ce soit de leur vivant ou après leur mort, ils étaient modestes. Ils n'étaient pas plus riches que les autres. Ils n'avaient pas une meilleure santé que les autres. Robama, ils n'avaient pas plus de ilm que les autres. Lakin, ils étaient modestes. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il les a élevés. Wa qala, ay, Umar, radiyallahu an, in ta'ish na'ashak Allah, fa huwa fi nafsihi saghir. Qala, huwa fi a'yun annas kabir, wa idha takabbar al-abd, وعاد طوره وهصه الله إلى الأرض وقال اخسأ أخسأك الله فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس صغير. الناس, et ça c'est valable pour tout le monde, les gens ils aiment celui qui est modeste, et كذلك les gens, et c'est valable pour tout le monde, ils détestent المتكبر. C'est pour ça que المتكبر il a un problème dans sa foi, et كذلك في عقله. Il a un problème dans sa foi, et il a un manque dans le fahm ou l'aql. Et c'est un manque de tawfiq. Pourquoi? Léanel Moutakabbir, il pense qu'il est élevé, etc. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste هذا الخلق. Allah, il déteste l'orgueil. Et كذلك, les êtres humains, ils détestent ce comportement. Enfin, on peut se poser la question, enfin, pourquoi? Pourquoi faire une chose que Allah, il déteste et les gens, ils détestent? Al Moutakabbir, il est rejeté. Sauf si certains, ils ont une faïda. Ils ont un profit de ne pas montrer qu'ils le détestent et le rejetent. Maintenant, il a de l'argent. Maintenant, il a telle et telle chose. Wa illa fal mutakabbir il est mabroub inda al mu'minin. Qala Abu Hatim rahimahullah, at-tawadu' yarfa'u al-mar qadran wa yu'zimu lahu khataran wa yaziduhu nublan. Eh non, hada kama taqaddam. Anasih. Une cause pour être élevé ici-bas et dans l'au-delà. قال والتواضع لله جل وعلا على ضربين. التواضع لله, être modeste pour Allah سبحانه وتعالى على ضربين. كذلك deux choses. أحدهما تواضع العبد لربه عندما يأتي من الطاعات غير معجب بفعله ولا راء له عند حالة توجب بها أسباب الولاية إلا أن يكون المولى جل وعلا هو الذي يتفضل عليه بذلك وهذا التواضع هو السبب الدافع لنفس العجب عن الطاعات. Ce premier point, تواضع لله عز وجل. لماذا؟ لأن هذا العبد, tout ce qui fait combien, comme adoration, comme obéissance. Il reste humble et modeste. لماذا؟ لأنه il sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a guidé. لأن l'être humain, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Al-mu'min, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a choisi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné. Pourquoi بعض الناس il n'arrive pas à prononcer الشهادة? C'est très simple de prononcer une phrase. Lakin pourquoi ils n'arrivent pas à prononcer cette phrase, الشهادة? Le premier pilier de l'islam. لماذا? لأن الله سبحانه وتعالى ne les a pas guidés. Pourquoi un tas tu l'as prononcé? Parce que Allah سبحانه وتعالى t'a choisi et t'a élevé. Ça doit te pousser à être modeste. C'est pour ça qu'on dit Alhamdulillah. الذي هدانا. وكم من الناس الله سبحانه وتعالى ne les a pas guidés, les hikmah. Et Allah سبحانه وتعالى il est juste. فحمد الله. وشكر الله. Et parmi la reconnaissance, c'est d'être modeste. Et toujours citer أن الله سبحانه وتعالى c'est lui qui t'a guidé. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. أَمَّا الْبَعْضِ pense que c'est eux, c'est moi qui a fait, c'est moi qui a fait. الْبَعْضِ عِنْدَهُمْ عِيَدًا بِاللَّهِ عُجْبٌ وَغُرُورٌ. Même في العلم, même في العبادة. أنهم ils ont fait, أنهم هذا, c'est pas un bon comportement. Là, n'oublie pas دائماً de citer الفضل لله عز وجل أولاً وآخراً. أما نحن ولله الحمد. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte de nous. Fal-a'mal bil-khawatim. Aujourd'hui tu es guidé comme à taqaddam. Et demain, Allahu a'lam, notre situation. Thumma qal, at-tawadu' al-akhar. Le deuxième point, toujours concernant at-tawadu' lillah. Qala huwa izdira'u al-mar nafsahu. Wa istihqaruhu iyaha inda dhikr ma qaraba min al-ma'atham. Na'am. كانوا من المآثم. قال حتى لا يرى أحدا من العالم إلا ويرى نفسه دونه في الطاعات وفوقه في الجنايات. كذلك أن هذا المؤمن qui a ce تواضع dans son cœur, il pense que les autres ويرى نفسه دونه في الطاعات. نعم. Quand il voit un autre, il pense que il n'a pas assez fait d'effort. Il pense que son frère mu'min, il est plus élevé que lui. Chacun connaît son nefs. Chacun connaît ses manquements. Chacun connaît ses péchés. La sincérité et la modestie, ça doit nous pousser à ça. Et même quand il voit un de ses frères qui a un manquement, qui a fait un péché, au fond de lui, il a cette impression, il a cette conviction, lui-même il fait des péchés. C'est pour ça que ce comportement, ça ne te pousse pas à rabaisser les autres, à te moquer des autres. Ce comportement, il va te pousser à t'améliorer un. Et kadalik, ce comportement, il va te pousser à vouloir le bien pour ton frère mu'min. Et kadalik, bien sûr, à le conseiller, à lui montrer. Et chaque chose a sa place. Wa'adhum, il mérite shay min al-quwwa wa zajr. Bien sûr, al-kafara, on les déteste fillah, ahlul bid'a kadalik, on les déteste par rapport à leur égarement. Lakin ma hada al-adl, ma hada al-adl, même quand on déteste, même quand on combat avec la science, avec les mises en garde, c'est un jihad azim, tout ça bi-adl et avec modestie kadalik. Les mahada, on doit faire ces choses, le conseil, la mise en garde, détester pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est Allah qui nous a ordonné. Qala rahimahullah akhbarana عبد الرحمن ابن بحر ابن معاذ البزار قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا ابن سميع قال حدثنا زهير ابن محمد عن ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى وكانوا لنا خاشعين قال متواضعين. فمجاهد رحمة الله عليه المفسر الكبير il a expliqué الخشوع dans ce verset وكانوا لنا خاشعين بالتواضع. Et ça fait partie de sifat al-mu'minin, al-khushu'. Al-khushu', بعضهم, ils l'ont expliqué par tawadu' la modestie. قال أبو حاتم رحمه الله العاقل يلزم مجانبة التكبر لما فيه من الخصال المذموم. Tout comme on fait des efforts pour acquérir la modestie, pour mettre en application cette modestie, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne cette modestie, كذلك on doit faire des efforts pour s'écarter de son contraire. Al-kibr, l'orgueil. قال رحمه الله لما فيه من الخصال المذمومة. صحيح لو كبر ça pousse au mal et il a cité plusieurs خصال plusieurs points concernant الكبر والتكبر. قال إحداهما أنه لا يتكبر على أحد حتى يعجب بنفسه. صحيح celui qui est orgueilleux envers les autres. Pourquoi il a cet orgueil? Parce qu'il se croit mieux que les autres. Al-ujb ou al-ghurur. Al-shaytan, il lui fait croire annahu il est meilleur. Annahu les autres, ils n'arriveront pas à atteindre son niveau. Que ce soit niveau science, que ce soit niveau argent, que ce soit niveau son statut dans la société, etc. Qala annahu la yatakabbar ala ahadin hatta yu'jab bi nafsihi wa yara laha ala ghayrihi al-fadl. Il oublie فضل الله عز وجل. Il oublie que c'est Allah سبحانه وتعالى qui lui a donné. كذلك il oublie que certains ils ont un فضل عليه. Si tu atteins ce niveau, que ce soit dans la science, si on prend l'exemple de la science, fais attention à l'orgueil. Toi-même tu étais ignorant. Enfin, pourquoi rabaisser l'ignorant aujourd'hui? Toi-même tu étais à sa place. كذلك il y a des personnes au-dessus de toi dans la science. Enfin, pourquoi l'orgueil? كذلك des personnes ils ont patienté sur toi. Pour te montrer, pour t'éduquer, pour t'enseigner. Alimada al-kibr, l'orgueil. Pourquoi un tas tu ne patientes pas sur cet ignorant? Tu lui montres comment t'as montré. Tu lui facilites comment t'as facilité. Tu patientes sur lui comme on a patienté sur toi. Qala wa thaniya. Deuxième point concernant l'orgueil. Izdira'uhu bil 'alam li'anna man lam yastahqir an-nas la yatakabbar 'alayhim. وكفى بالمستحقر لمن أكرمه الله بالإيمان طغيانا. نعم ce kibr va le pousser à l'izdira ou l'ihtiqar, rabaisser, humilier les autres, et ça c'est très très grave. كما قال ابن حبان رحمه الله وكفى بالمستحقر, celui qui rabaisse les autres, لمن أكرمه الله بالإيمان طغيانا. Ça c'est mine al-tughyan, c'est de l'injustice. Rabaisser une personne que Allah Jalla wa Ala il a élevé avec l'iman. Allah subhanahu wa ta'ala il l'a guidé. Et on est tous d'accord que la guider c'est une élévation ici-bas et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala il l'a choisi, donc il l'a élevé par rapport à d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala s'il l'a élevé c'est qu'il l'aime. S'il l'a guidé c'est qu'il l'aime. Allah il aime les croyants. Chacun selon sa foi et ses œuvres. Falimada rabaisser une personne que Allah il a guidé. Il a choisi et il l'aime. Ça montre une défaillance fil aql et dans la foi. قال رحمه الله والثالثة, troisièmement, منازعة الله جل وعز لصفته إذ الكبرياء والعظمة من صفات الله تعالى فمن نازعه إحداهما ألقاه الله في النار إلا أن يتفضل عليه بعفوه. كذلك أن الكبر من صفة الله عز وجل. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le mutakabbir. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le mutakabbir. Limadha li'annahu il possède tout. Li'annahu c'est le créateur de toutes choses. Li'annahu c'est le qawi, c'est le jabbar, c'est l'aziz. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a hadhi sifat, sifatu al-kibriya. Limadha li'annahu il mérite azza wa jalla, il mérite tous les attributs parfaits. Il possède tous les attributs parfaits. Amma abdun da'if, créature faible, qui a été créée à partir de rien, qui est Robama, qui peut être touché par une chose infime qui l'affaiblit, belle qui le tue. Alimad al-orgueil. Qala rahimahullah. Sami'tu Muhammad ibn Mahmoud al-Nasa'i yaqul, sami'tu Abu Dawud al-Sinji yaqul, sami'tu al-Asma'i yaqul, sami'tu Yahya ibn Khalid al-Barmaki yaqul, al-Sharif idha taqarra'a tawadha' wal-Dani'u idha taqarra'a takabbar. قال في الحاشية تقرأ أي تنسك, التنسك هو العبادة, أي إذا تقرأ que ce soit العبادة, que ce soit la science, que ce soit le fait de progresser dans son accrochement à la sunna, هذا normalement ça doit le pousser au tawadu. C'est très simple, plus l'insan il fait des efforts dans l'ilm, plus l'insan il fait des efforts dans la mise en application, ça doit le pousser à la modestie. Pourquoi? Les anna tu vas te rendre compte de la situation des autres. Anahum ils sont en danger. Anahum les pauvres c'est des ignorants. Anahum ils ont besoin de beaucoup de choses. Anahum ils sont entourés par les ennemis d'Allah, par les passions, par les envies. Enfin, anta fi hadha al-khayr, ça va te pousser à être modeste, vouloir leur bien et être une porte ouverte au khayr pour eux, une cause. Wa ad-dani, ad-dani c'est le contraire de sharif. Sharif c'est celui qui a un rang élevé. عند الله سبحانه وتعالى ad-dani c'est l'inverse. إذا تقرأ تكبر. Il a appris deux trois lettres, خلاص. Pardon, tu les vois. Il commence à apprendre l'ilm. Au lieu d'être modeste, wallahi, ba'dhum, tu les vois, même leur démarche, même leur façon de se comporter, elles changent en mal. Kanaum, khalas, ils ont atteint un niveau. Ça, c'est min al-jahl. Ils ont besoin d'apprendre leur din. Ils ont besoin de corriger leur intention. Al-ilmu, c'est pas bi-kathrat al-kutub, wa riwaya, wa al-rihla, huna wa huna. C'est pas que ça, l'ilm. Ça, c'est profitable si c'est fondé sur l'ikhlas. العلم c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala met dans le cœur de l'insan, cette envie d'apprendre qui le pousse à rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, à mettre en application et essayer d'être une cause pour les autres. رفعوا الجهل عن نفسك وعن غيرك كما قال الامام احمد رحمه الله. Enfin, on fait attention. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il t'a ouvert les portes, احمد الله. Et n'oublie jamais, akhi al-karim, on a cette science ou cet accrochement à la sunna, tu n'as pas de garantie que ça restera. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Afdalul bashar, akramul khalq inda Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam kana yukthir min qawlihi Allahumma thabbit qalbi ala dinik, ala ta'atik. Le prophète sallallahu alayhi wa salam, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat, qu'il le raffermisse sur ce chemin, sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, ne crois pas que tu as une garantie. Tu n'as aucune garantie, je n'ai aucune garantie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est arhamur rahimin et il est juste. Enfin, si tu veux le bien pour les autres, Allah il te donnera du bien. Si ton intention c'est de mettre en application, Allah il t'élèvera. On fait attention. Min al-kibr. Khas satan avec la jeunesse. Et on a la jeunesse. Avec au départ l'ignorance et pardon, ils commencent à apprendre, ils ont cette fougue. Et le shaitan, il gonfle certains et ha'oula, il rabaisse les autres bi-ghayri haqq. La, at-ta'anni c'est tayyib. Ne crois pas que tout le monde comprend ce que tu comprends. Ne crois pas que tout le monde a les facilités que tu as. Ne crois pas que tout le monde peut étudier la science du matin au soir. La, wa'adun nas. Walillahi alhamd. Ça a toujours été comme ça. Des savants, des étudiants, des musulmans de la masse. Les musulmans de la masse, ils reviennent aux savants, aux étudiants. Enfin, les savants et les étudiants, ça doit être une rahma pour les autres. Nour, quand ce musulman, il se retrouve dans l'obscurité, il ne sait plus, à cause de l'ignorance, à cause des passions, à cause des ennemis de l'islam, des ennemis de la sunnah, il est comme dans l'obscurité. Enfin, s'il revient à toi, akhi al-karim, akhi sunni, akhi talib, c'est comme si il recherche la lumière. Enfin, soit une lumière. Ne sois pas un feu qui le brûle. Il y en a le feu, ça brûle les autres. Et le feu, كذلك, il se brûle lui-même. Il se consume lui-même. عيادا بالله. قال رحمه الله. قال, نعم, أبو حاتم رحمه الله. لا يمتنع من التواضع أحد. والتواضع يكسب السلام ويورث الألفة ويرفع الحقد. صحيح. التواضع يكسب السلام. Ça va être une cause que tu seras préservé. Certains font du mal à d'autres. Pourquoi? Parce qu'ils sentent et ils voient qu'il a du kibr, il a de l'orgueil. Enfin, ils lui font du mal. As-salam, c'est vie at-tawadu. La modestie, bi-idnillah azzawajal, tu vas repousser beaucoup de char. Wa yurith al-ulfa, kadalik, les gens ils vont se rapprocher de toi. Qala azzawajal, walau kunta faddan ghalid al-qalb. Naam, nasit l'aya. Walau kunta faddan ghalid al-qalb. Al-muhim, anna al-qaswa. La dureté qui n'est pas à sa place, encore plus grave, al-kibr, ça fait fuir les gens. Même si tu as le haqq, même si tu as sunna ma'ak, même si tu as une preuve, maintenant dans un sujet, al-kibr, et la dureté qui n'est pas à sa place, ça repousse les autres. Naam, walau kunta naam, faddan ghalid al-qalb lan faddu min hawlik. Qala rahimahullah, wa yarfa'u al-hiqd. Naam, et kadalik, ça repousse al-hiqd, la jalousie. L'envie. Bah, les gens, ils ont du hiqd envers d'autres. Les mains, ils ont du kibr. قال ويذهب الصد وثمرة التواضع المحبة كما أن ثمرة القناعة الراحة. Le fruit du tawadu, Celui qui est modeste, lillahi azza wa jalla, il est sincère, il sera aimé auprès des croyants, sincères. Kama anna thamrat al-qana'a ar-raha. Le fruit de al-qana'a, c'est suffire du peu, pas tout vouloir, accepter ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrété. Le fruit de ce comportement, de cette ibadah al-qana'a, ça sera raha. Tu seras reposé, apaisé. Ce que tu as, tu sais que c'est Allah qui te l'a qadr. Et si Allah il a décrété que tu auras plus, tu auras plus. Pas besoin de te fatiguer avec des soucis, avec de l'angoisse, etc. Al-qadr, al-iman ou al-qadr, c'est une source de raha et de repos. Qala, wa idha tawada' al-sharif yazidu fi sharafih kama anna takabbur al-wadi' yazidu fi dhi'atih. Tawadu' al-sharif, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a élevé avec de l'argent, avec de la science, avec une responsabilité. Son tawadu', ça va lui rajouter du bien, au bien qu'il a. Wa takabbur al-wadi'. Bardoum, ils n'ont rien. La ilm, la dunya, ils n'ont pas grand-chose, que ce soit concernant les biens mondains ou ma yata'alaq bil akhirah, l'au-delà, la science, etc. Ils n'ont pas grand-chose, et tu les trouves, ils ont du kibr. Ah, ou là, c'est encore plus grave. Les nabardoum, ils ont des choses qui peuvent les pousser à l'orgueil, de l'argent, ou de la science, ou une place. Les shaitans, ils les attaquent min hadal bab. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent être orgueilleux. Là, lakin, il y a des éléments qui peuvent les pousser au kibr. Bardoum, ils n'ont rien. Ils ont rien. Valimada al-kibr. Qala rahimahullah. Wa kayfa la yatawadha'u man khuliqa min nutfatin muntina wa ya'ud akhiru jifatan qadira wa huwa baynahuma yahmilu al-'adira. Kalamun jamil. Kayfa la yatawadha'? Pourquoi l'insan il n'est pas modeste alors que Allah subhanahu wa ta'ala il l'a créé min nutfatin muntina? On a tous été créés à partir d'un liquide. Min maniyin yumna, hakada qala azza wa jalla. Ce liquide, rubbama, s'il est sur un de tes vêtements ou sur un de tes membres, tu ne peux pas, tu n'accepteras pas que ça reste. Tu te précipiteras à le nettoyer. Hada la shakka fihi. Enfin, tu as été créé à partir de ce liquide. Ce liquide que tu ne veux pas qu'il reste sur toi. Tu t'empresses à le nettoyer. Falimadha al-kilb, pourquoi l'orgueil? قال ويعود اخره جيفه قذره كذلك تامل انا n'importe quel être humain sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a préservé min al-anbiya wa ash-shuhada quand il meurt s'ils ne sont pas enterrés son cadavre tu ne peux plus le regarder wallahi ça peut être un de tes proches ça peut être ton père ou ta mère tu peux pas plus rester en leur présence à cause de l'odeur jifa comme une bête morte هكذا l'être humain s'il n'est pas enterré فلماذا الكبر pourquoi l'orgueil. Et entre ces deux étapes, l'étape de ta création à partir d'un liquide, jusqu'à ta mort, entre ces deux étapes, en tant qu'être humain, tu porteras al-adhira dans ton ventre, dans tes intestins, et les excréments. Kam min umur on a en nous, même nous, on est des êtres humains, on possède ces choses, le fait de les voir ou les sentir, tu ne peux pas, ça te met mal à l'aise. Enfin, pourquoi le kibr? Alors que en tant qu'être humain, tu portes ces najasat, ces impuretés en toi. Un autre imam, on peut ajouter à la parole d'Ibn Hibban, wa huwa al-Ahnaf, Ibn Qays, rahimahullahu ta'ala, et il fait partie de al-Tabi'in, la génération qu'ont suivi les compagnons, radiyallahu anhum, qala ajaban l'Ibn Adam. Et le cas de l'être humain, il est très étonnant. Pourquoi? Qala yatakabbar wa qad kharaja min majra al-bawl marratayn. L'être humain, son cas, il est étonnant. Il s'enorgueillit alors qu'il est sorti de l'orifice urinaire deux fois. Sahih, le liquide, il est sorti de l'homme, l'endroit par lequel on urine. Et kadhalik, quand tu es dans le ventre de ta mère, tu sors du ventre de ta mère. Falimad al-kibr. Est-ce que cette créature, elle a le droit de s'enorgueillir alors que son état, c'est l'état que ces imams ils ont cité. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala قال في المدارج فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه علم أنها منبع كل شر ومأوى كل سوء. Celui qui connaît vraiment son nafs, se connaît lui-même en tant qu'être humain. Enfin, il saura que l'être humain, L'être humain, en tant qu'être humain, sa nature, on a tous les maux qui sont dans notre planète, ça vient des êtres humains. L'âme des êtres humains les appelle au mal. Les mains à s'enorgueillir. Et le bien que l'être humain il a, comme la foi, la guidée, le huda ou l'istiqama, كذلك العلم, la science, tout ça c'est min Allah. Le bien que tu possèdes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te l'a donné. قال لم يكن منها كما قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. Ça montre quoi? Ça montre que هذه التزكية, que ce soit bil iman, tu as été élevé par la foi ou par la science, ou par ton accrochement, ton cramponnement à la sunna, c'est mahd fadlillah azza wa jal. C'est des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné, pourquoi l'orgueil? قال ابن حبان رحمه الله افضل الناس من تواضع عن رفعه وزهد عن قدره وانصف عن قوه ولا يترك المرء التواضع الا عند استحكام التكبر ولا يتكبر على الناس احد الا عند اعجابه بنفسه وعجب المرء بنفسه احد حساد عقله وما رايت احدا تكبر على من دونه الا ابتلاه الله بالذله لمن فوقه. Ces premières paroles, taqaddamat ma'ana, que la modestie c'est une cause pour être élevé, etc. Et sa dernière phrase, قال وما رأيت أحدا تكبر. Ibn Hibban يقول, j'ai jamais vu quelqu'un s'enorgueillir, rabaisser ses frères, بغير حق, قال إلا ابتلاه الله بالذلة لمن فوقه. Sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne le rabaisse. Il ne le rabaisse, quelqu'un qui est supérieur à lui va le rabaisser. Comme où il rabaisse les autres, Allah subhanahu wa ta'ala, il fera que واحد qui est plus élevé que lui, il le rabaisse. Wa Qatada rahimahullah qal, ça c'est un ajout, كذلك on n'a pas dans le livre Kitab at-Tawadhu' li Ibn Abi Dunya Malibi al-Fawaid concernant la modestie. Qatada rahimahullah qal, man u'tiya malan aw jamalan wa thiyaban wa 'ilman thumma lam yatawadha' kana 'alayhi wabalan yawm al-qiyamah. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala donne de l'argent, des biens, ou la beauté, ou du ilm, de la science, thumma, il n'est pas modeste. Belle, ces choses que Allah subhanahu wa ta'ala lui a données, il les utilise pour s'enorgueillir, pour rabaisser les autres. Illa kana alayhi wa balan yawm al-qiyamah. Ça sera contre lui le jour du jugement. Des preuves contre lui. Al-Qur'an hujjatun lak ou alayk. Qala ibn Hibban rahimahullah, fal-aqil idha ra'a man huwa akbar sinnan minh tawadha'a lah. Al-aqil, lorsque il rencontre, il est en présence de quelqu'un qui est akbar minhu sinnan, qui est plus âgé que lui, tawadhal, la modestie, ne pas vouloir se montrer, ne pas vouloir le rabaisser. Lianna hadha kabir as-sin, il a vécu des choses qu'on n'a pas vécues. Il a une expérience que tu n'as pas. Même si tu as des choses que lui ne possède pas, la science ou autre, fatawadhu. ربما إلى l'âge de ton père أو l'âge de ton grand-père, فلا بد من هذا الخلق. قال وقال سبقني إلى الإسلام. Ça c'est un fadl عظيم. Ce vieil homme, ربما إلى l'âge de ton père, de ton grand-père ou plus, n'oublie jamais أنه t'a précédé في الإسلام. Et ça c'est un fadl عظيم. Peut-être que toi ça fait 4 ans, 5 ans que tu fais salat, peut-être lui ça fait 50 ans. Tu dois donner de l'importance à هذا. Pourquoi? Parce que Allah il l'a élevé بهذا. Ça ne veut pas dire qu'on se tait si ce vieux se trompe. Ça ne veut pas dire si ce vieux c'est un munharif, un égaré qui appelle au mal, on se tait et on fait comme s'il n'y avait rien. Abadan, chaque chose a sa place. Même si c'est un égaré, même si c'est un ignorant qui fait des mauvaises choses, ben, si on peut le conseiller, on le conseille. Et ça fait partie du tawadhu, de la modestie. قال وإذا رأى من هو أصغر سنا منه تواضع له وقال سبقته إلى الذنوب. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala il a guidé et il a placé cette modestie dans son cœur, quand il voit quelqu'un plus petit que lui, donc qui a moins de vécu que lui, ça le pousse à être modeste. Pourquoi? Parce qu'il dit, lui il est petit, il n'a pas encore fait les péchés que j'ai fait. Nastafid mada, une faïda qu'on a beaucoup cité ensemble depuis le début, celui qui veut avancer dans son din et améliorer son comportement, il doit se remettre en question. انظروا الآن quand il est face à une personne plus âgée, il se remet en question. Cette personne plus âgée, il a fait plus d'adoration que moi, vu qu'il est plus âgé, et il a connu l'islam avant moi. Donc, ça me pousse à être modeste. Quand il est face à une personne beaucoup plus jeune que lui, il se remet en question, et la modestie kadhalik, elle le pousse à ne pas rabaisser l'autre, à ne pas se sentir supérieur. Pourquoi? Parce que c'est vrai, je suis plus âgé. J'ai plus de vécu, lakin, vu que je suis plus âgé, peut-être que j'ai fait beaucoup plus de péchés que lui. Donc pourquoi me sentir supérieur? قال وإذا رأى من هو مثله عده أخا فكيف يحسن تكبر المرء على أخيه. Et si c'est un frère qui est comme toi, la même génération, il a أخيه, c'est ton frère. Pourquoi s'enorgueillir avec ton frère, لماذا? قال ولا يجب استحقار أحد لأن العود المنبوذ ربما انتفع به فحك الرجل به أذنه. Ne rabaisse personne. Pourquoi? لماذا لأن العود المنبوذ. Même un bâton qui est jeté au sol, peut-être qu'un jour tu en auras besoin. Ça c'est un exemple. Ibn Hibban قال ربما tu en auras besoin pour frotter ton oreille comme un coton-tige. Peut-être que tu en auras besoin. Ça, c'est un mital pour montrer ne haqqir pas les autres. Sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les a rabaissés, fa rabaisse l'illah. Et en étant juste. Et même quand on les rabaisse avec modestie. On les rabaisse pourquoi? Pas parce qu'on se sent meilleur qu'eux, même si bien sûr Allah il a élevé le mu'min, là. Parce que Allah il les a rabaissés. Et on espère mourir dans cette situation et être meilleur qu'eux. Fa hakada al mu'min. Qala rahimahullah. Il a cité al-Isnad, le athar numéro 167, an Ibn Abbas radiyallahu anhuma, قال لو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي منهما. Ça c'est pour montrer la gravité du baghi, de l'injustice et de l'orgueil. Ibn Abbas قال radiyallahu an, si une montagne elle commettrait une injustice envers une autre montagne, Allah subhanahu wa ta'ala il aurait pulvérisé la montagne injuste. Donc on doit faire attention. Ne crois pas que humilier les autres, accuser les autres, mettre en garde contre les autres sans aucune preuve, l'orgueil, pardon, ils pensent que c'est eux qui sont à la sunna, tout le monde est égaré. Pardon, ils pensent que c'est eux qui font des efforts, les autres ils font aucun effort. Ça c'est min al-ghurur wa min al-ujb. On doit faire attention, on doit craindre Allah. Surtout ceux qui n'ont pas de vécu. Tu n'as pas voyagé, tu n'as pas fréquenté les savants, tu n'as pas d'expérience. Crains Allah azza wa jalla. Allah, les choses, c'est pas aussi simple que ça. قال رحمه الله. Il a cité un deuxième athar. عن قتادة قال ما نسيت شيئا قط. مرة قتادة رحمه الله il a dit ما نسيت شيئا قط. J'ai jamais oublié une chose. C'est un imam رحمه الله. لكن il a dit cette parole, il n'est pas infaillible. ثم قال لغلامه. Juste après, il a dit à son غلام, un enfant qui s'occupait de lui, ناولني نعلي. Il a dit à cet enfant, emmène-moi mes sandales. Là où il voulait sortir, donc il voulait mettre ses sandales. قال نعلك في رجلك. L'enfant, il lui a dit, tes sandales, tu les as dans tes pieds, tu les portes. من الله عز وجل. أنه il a dit cette parole, فالله سبحانه وتعالى directement, il a, avec cette situation, pour montrer à Qatada, أن tu restes un être humain. Quand il a dit « j'ai jamais oublié une chose », juste après, il a oublié qu'il portait ses sandales. Falihada, on doit craindre Allah. Et celui que Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé, bichay avec une ni'ma, soit reconnaissant envers cette ni'ma. Soit reconnaissant plutôt envers Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné cette ni'ma. Essaye de faire partager les autres. Montre la vérité. Attention aux concessions concernant notre din, au nom de la modestie. Accroche-toi. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. On peut conclure avec certains points qu'on n'a pas cités dans le dors. Awalan hadith haritha. Amma la parole de Ibn Hibban. Naam, on a fini. Concernant le chapitre, on a fini. L'un, c'est un ajout pour compléter ce chapitre. An haritha ibn Wahb al-Khuza'i radiyallahu anhu. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة est-ce que vous voulez que je vous informe qui sont les gens du paradis? قال عليه الصلاة والسلام كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. Les gens modestes, les gens faibles. Des personnes, أحيانا من المؤمنين, tu les vois et tu n'imagines même pas le rang qu'ils ont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. أشعث أخبر لو أقسم على الله لأبره كما جاء في الحديث الآخر. Tu le vois un tas, probablement poussiéreux, des vêtements déchirés. Probablement il n'a pas de toit, il n'a pas de quoi manger. لكن عند الله سبحانه وتعالى il a une énorme place. قال ألا أخبركم بأهل النار. ثم النبي صلى الله عليه وسلم il leur a dit est-ce que vous voulez que je vous informe concernant les gens du feu. أي, qui sont les gens du feu? كل عتل جواظ مستكبر. Les orgueilleux. Ceux qui n'acceptent pas الحق. الحديث il est في صحيح البخاري ومسلم. On peut citer des points importants كذلك. أن من التواضع fait partie de la modestie. التواضع للحق. Et là, c'est très très important. التواضع, ce n'est pas que le fait de sourire, d'être doux. Ça, c'est طيب, bien sûr. Et c'est ce qu'on a traité, ولله الحمد, dans notre dors. لكن أهم من ذلك, encore plus important que cela, التواضع للحق. Accepter la vérité. Ne pas s'enorgueillir. Ne pas rejeter le haqq quand il nous parvient. قال الله تعالى سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. Ceux qui n'acceptent pas هذا الحق يتكبرون. C'est quoi qui les empêche d'accepter la vérité, d'accepter le Coran, d'accepter le message du prophète عليه الصلاة والسلام, c'est الكبر. فالله سبحانه وتعالى قال سأصرف. الله سبحانه وتعالى il égare هؤلاء, il les éloigne, il les écarte. وقال عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. Attention de ne pas rejeter le haqq, أخي الكريم, quand il te parvient. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. الله سبحانه وتعالى retourne les cœurs de ceux qui n'acceptent pas la vérité au départ lorsqu'elle leur parvient. فاحذر. Si c'est un haqq, accepte-le. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Celui qui a un atome d'orgueil dans le cœur, il ne rentrera pas في الجنة. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. ثم un homme, il a dit au prophète صلى الله عليه وسلم, mais on aime avoir des beaux vêtements, des belles sandales, etc. أي كأنه, il a voulu dire au prophète صلى الله عليه وسلم, est-ce que ces choses, ça fait partie de l'orgueil, le fait de bien s'habiller, etc. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. Allah, il est جميل, من أسمائه الجميل, et il aime le jamal, la beauté. قال عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس. C'est ça le kibr. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث il a défini l'orgueil. L'orgueil, c'est le fait de rejeter la vérité, c'est de rabaisser ceux qui ont cette vérité. C'est ça le kibr. ابن القيم رحمه الله تعالى قال لا تصح لك درجة التواضع حتى تقبل الحق ممن تحب وممن تبغي. Tu veux faire partie de ceux qui ont هذه الخصلة العظيمة, ce comportement très profitable, la modestie. On n'arrivera pas à atteindre ce niveau tant qu'on n'acceptera pas le haqq. ممن تحب, de ceux qu'on aime, وممن نبغي, et de ceux qu'on déteste. On a déjà fait la remarque, ça ne veut pas dire qu'on recherche le haqq vers les égarés, vers les mécréants. Abadan. Là. Lakin, tu peux te retrouver dans une situation, un haqq qui te parvient, peut-être par un ennemi de l'islam, et on accepte. L'imana, pas parce que c'est un tel, là, parce que c'est la vérité. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. En parlant de shaitan, رأس الشر, أنه il a dit la vérité. Hadith Abi Huraira avec ayat al-Kursi. كذلك من التواضع في طلب العلم. La modestie quand on étudie la science. Commencez par le début. Même si celui qui est capable de nous enseigner une chose, il est plus jeune que nous, il a étudié العلم après nous, s'il est compétent, التواضع, c'est d'accepter de prendre العلم عند. كذلك من التواضع في طلب العلم, c'est de commencer par le début. Ne pas vouloir se montrer comme certains, non, ils ont été à tel endroit, ils ont étudié telle chose, alors que les bases, ils ne les maîtrisent pas. Mais le tawadu, c'est que si tu as besoin d'un cours pour apprendre les lettres, même si des enfants sont présents, alhamdoulillah. Alhamdoulillah, tu t'assois même s'il y a des enfants et tu apprends à lire, à écrire, tu apprends à lire le Coran. Ça, c'est min at-tawadu'. Kadhalik min at-tawadu' al-muhim fi talab al-'ilm at-tawadu' ma'a mu'allimik. Ne pas lui couper la parole, l'écouter quand il parle, venir à l'heure, ne pas oublier son khayr, khassatan ulama us-sunnah. On doit avoir un at-tawadu'. Ils ont étudié l'ilm alors que pour certains d'entre eux, on n'était même pas né. Ils ont fait des efforts que on n'a pas fait et qu'on ne fera pas, illa an yasha Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dhul fadli l'azim. Fa min at-tawadu' kadhalik, anna même si ils ont fauté, même si ils ont manqué une chose, fa billati hiya ahsan. Limadha? Les savants en général, ils sont plus âgés que nous, et kama taqaddam, ils sont plus anciens que nous, fi hadhihi ad-da'wa. Kadhalik at-tawadu' ma'a al-walidayn. La modestie envers les parents. قال الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. Tes parents qui ont patienté, qui ont été la cause que tu sois présent, que tu fasses des efforts, que tu... Enfin, si tes parents ils ont des manquements, et là je sais qu'on a tous des manquements, enfin, n'oublie pas al-khair. Wallahi, même si c'est des kafara, même si c'est des kafara, at-tawadu' lahuma, la modestie et leur montrer billati hiya ahsan, fa ils ont un haq azim. Encore plus si c'est des croyants, encore plus si c'est des personnes pieuses. À la kulihal, ne pas oublier le khir. Ils ont appris deux, trois choses. Et vu que leurs parents, c'est des ignorants, ils les rabaissent. Ils les rabaissent et ils haussent le ton. Là, il y a un bruit. N'oublie jamais le khir. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité son haq. Tawhid, ثم il a cité le haq des parents. Juste après. كذلك من التواضع. التواضع بين الزوجين. La modestie concernant le couple. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, قال الواجب على الزوجة التواضع وعدم إغضاب الزوج وعدم إيذائه. نعم فهذه الزوجة, cette femme, elle ne doit pas oublier que هذا الزوج, ce mari, même s'il a des manquements, même s'il a certaines faiblesses, il a un haq azim alayha. Il a un haq azim alayha. Ar-rijal qawwamuna ala an-nisa. Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé l'azwaj. Et cette femme, elle doit tout faire pour ne pas désobéir à hada zawj. Sauf bien sûr, fi ghayri ta'atillah, elle n'a pas à lui obéir. Lakin, obéir à ce mari, fi ta'atillahi azza wa jal, c'est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Belle, c'est une cause pour rentrer fil Jannah. C'est une ibad azim. Lakin, cette femme, pour l'aider à cette modestie envers son mari et accepter ses ordres, bien sûr, tant que ça ne contredit pas la vérité, parmi les choses qui vont l'aider, al-ihtisab. Al-ihtisab. Cette modestie, c'est l'illah. Elle ne se rabaisse pas parce que son mari il est meilleur qu'elle ou parce qu'elle ne vaut rien. Ça, c'est afkar al-gharb. Ça, c'est les ennemis de l'islam qui essayent de faire croire cela. Et بعض النساء المؤمنين, elles ont été touchées par cette maladie et qu'elle ne veut plus que son mari lui donne des ordres. Elle veut son indépendance, elle veut kada. La femme et kada avec l'homme, ils ne doivent jamais oublier que c'est une étape cette dunya. La taghtarri bi di'ayat al-kuffar. Les kuffars, ils promettent la liberté, ils promettent, c'est que du kadib. Les kuffars, ils ont que nord. C'est ce qu'ils auront. Celui qui meurt à l'al-kufr. On ne doit pas suivre ha'oula. ثم قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وعلى الجميع الصبر والاحتساب في جميع الأحوال. كذلك l'homme, il doit faciliter à cette femme, ne pas lui imposer au-dessus de ses capacités. Et pour que ce couple réussisse, la بد من الصبر, la patience. وإلا ceux qui patientent pas, wallahi, anna, ça peut durer quelques jours, quelques semaines et tout s'arrête. La بد من الصبر, et ne pas oublier le khir de l'autre. كذلك الاحتساب كما تقدم. Cette femme, si elle obéit, c'est l'illah. Elle pense à la récompense. Et kadhalik, cet homme, si patiente, c'est l'illah. Et il espère la récompense. Et chacun, il veut le bien de l'autre. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين, c'est le dernier حق. التواضع مع إخوانك. Être modeste envers tes frères. Que ce soit des étudiants, que ce soit tes voisins, que ce soit des amis. التواضع معهم. On répète le verset, قال عز وجل واخفض جناحك للمؤمنين. Être humble envers tes frères. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج من أساء إليك ثم جاء ليعتذر فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته وتكل سريرته إلى الله تعالى. Ça fait partie de التواضع. Si ton frère أساء إليك, il a fauté envers toi, il a parlé sur toi, il a eu un mauvais comportement, il a fait une mauvaise chose, ça arrive. قال ثم جاء ليعتذر. Après avoir fauté, il te demande pardon. Le fait qu'il te demande pardon, ça montre qu'il a beaucoup de khayr. Ça montre qu'il regrette, ça montre que c'est un être humain qui s'est trompé, qui a fauté. Il te demande pardon. Celui qui a ce comportement de tawadu, forcément, ça va le pousser à accepter ses excuses. C'est passé. On ne peut pas revenir en arrière. Il a reconnu. Donc, alhamdoulilah, tu as raison. Troisièmement, il te demande pardon. Madaturid, ba'da dhalik. Pardon, ils ont une chida fi hada, une dureté. Et akhouhum, il demande pardon. Alors que ça ne lui arrive pas souvent de fauter avec Matalan, avec son frère. C'est arrivé une fois, il s'est trompé, il a dit une mauvaise chose. Thumma, il demande pardon. Et tu trouves, pardon, khalas, l'hajr ila l'mout. Ka'annahu, il se trompe pas. Ittaqillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il pourra t'éprouver. Et anta, tu fais exactement la même chose avec un autre, et cet autre, il te fait la même chose. Tu verras que c'est très difficile. Là, il t'a demandé pardon. Alhamdulillah, c'est passé. Khalas. Qala, rahimahullah, wa takil sariratahu ila Allah. Ça, c'est pour fermer les portes de shaitan. Il y en a là-bas, ils disent, mais il a demandé pardon parce que kada, parce que kada. Mais en fait, tu sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Ashaqaqta an qalbi. Tu sais pas ce qu'il y a dans les cœurs. Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui sait ce qu'il y a dans les cœurs. Alimun bidati sudur, azza wa jal. Anta, tu restes avec l'apparence. Alhamdulillah. Il t'a demandé pardon, alhamdulillah, tu acceptes. Et hada, c'est pour celui qui veut le khayr. Kadhalik, al-aqibatu, c'est li ahli at-tawadu. Celui qui patiente et qui est modeste. Tout ça, ça demande des sacrifices. Falyubshir. Écoute ce verset, qala Allahu azza wa jal, tilka ad-daru al-akhiratu naj'aluha lil-ladhina la yuriduna 'uluwan fil-ard wa la fasada wal-aqibatu lil-muttaqin. La demeure éternelle, avec tous ses délices, avec tous ses récompenses, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a réservé à qui ? Lilladhina la yuriduna 'uluwan fil-ard. Ceux qui ne veulent pas al-'uluw fil-ard, se sentir supérieur aux autres, l'orgueil, etc. Wal-'aqibatu lil-muttaqin. La bonne fin appartient à ha'ula al-muttaqun al-mutawadhi'un lillah 'azza wa jalla. نكتفي بهذا ومعذرة aujourd'hui c'était assez long لكن on espère qu'on a profité et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala أن ينفعنا بما سمعنا وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.